21, retrouve tout de suite Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Officiellement, c'est l'une des plus belles pages de l'histoire de l'armée française. 19 mai 1978, les paras de la Légion sautent sur Colvézi. En quelques heures, ils libèrent les otages européens et mettent fin au massacre perpétré par les Katangais. Une action éclair, parfaitement menée, qui arrive à point nommé pour redorer le blason d'une armée qui vit toujours dans le douloureux souvenir des guerres perdues, celles d'Indochine, puis d'Algérie. Mais la réalité est plus complexe, beaucoup plus complexe. Non pas que cette action militaire ait été magnifiée à tort, mais les objectifs poursuivis par les différents protagonistes de cette affaire n'ont jamais vraiment été éclaircis. La France, par exemple, n'a-t-elle agi qu'en fonction de buts humanitaires ou pour protéger d'autres intérêts? Et que penser de la curieuse attitude du gouvernement belge ou de l'intervention du Bloc de l'Est, représenté sur place par des soldats cubains et des instructeurs venus tout droit de RDA, sous le contrôle des soviétiques, bien sûr. Monsieur X, qui était encore en activité à l'époque, affirme connaître les dessous de cette affaire, car à l'évidence, les services secrets y ont joué un rôle éminent. Mais d'abord, un rappel. Le Katanga, rebaptisé Chaba, tout comme l'ex-Congo belge est devenu le Zaïre sous la férule du général Mobutu. Le Katanga, donc, est la province la plus riche de cette ancienne colonie, essentiellement grâce à la richesse de son sous-sol. On y trouve en effet du manganèse, du plomb, de l'uranium, du cuivre et aussi des diamants. En 1960, lors de la proclamation de l'indépendance de l'ancien Congo belge, le Katanga fait sécession à l'initiative du président de la province, Moïse Tshombe. En fait, ce dernier agit sous l'influence de la puissante Union Minière, une société belge qui, malgré l'indépendance, continue à exercer la réalité du pouvoir dans la province. La suite, vous la connaissez puisque nous l'avons déjà longuement évoqué avec M. X à propos de la disparition du secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld. L'ONU, avec l'appui des États-Unis et pour éviter une éventuelle intrusion des soviétiques dans le conflit, envoie des casques bleus au Katanga. Malgré une série de revers et la contre-offensive des fameux gendarmes katangais et de mercenaires occidentaux, les casques bleus mettent fin à la sécession en 1963. Quant à Dag Hammarskjöld, il périt dans un accident d'avion, un accident qui, selon M. X, est la conséquence d'un subtil traficotage des cartes aériennes qui se trouvaient à bord de l'appareil. Depuis, le Katanga, devenu Chaba, a connu de nombreux troubles. Les gendarmes katangais s'étaient en effet repliés de l'autre côté de la frontière, en Angola, au milieu d'une population qui appartenait à la même ethnie. À tout moment, ils pouvaient donc traverser cette frontière théorique. Et en 1977, une première offensive d'envergure va se produire. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais nous n'avons jamais cessé d'avoir un œil sur le Zaïre. À cause de ses richesses naturelles, j'imagine. Bien sûr, mais surtout à cause de sa place stratégique en Afrique. Le Zaïre, c'est le cœur du continent. Et dans les années 60-70, l'Est et l'Ouest se livraient à une compétition féroce dans le monde entier, mais aussi en Afrique. D'ailleurs, l'autre Congo, enfin le Congo Brazza, comme on disait encore, avec un gouvernement ouvertement marxiste-léniniste. Exactement, hein. Oui. Et à la frontière sud, il y avait l'Angola. Un pays lui aussi soutenu par l'URSS et les démocraties populaires. Oui, mais miné par la guérilla. Oui, une guérilla qui dure toujours d'ailleurs. Et une guérilla que nous avons longtemps soutenue et encouragée. Ouais, nous, vous voulez dire la France? Bah, évidemment. Oui. Les services secrets français notamment, à l'époque où ils étaient dirigés par Alexandre de Maranche, ont puissamment aidé le leader anticommuniste Savimbi, parce qu'il était censé défendre là-bas les valeurs occidentales. Mais je vous raconterai un jour si ça vous intéresse. Ouais, j'en prends note. Hein. Donc le Zaïre nous intéressait. Et il nous intéresse toujours, même si sa situation n'a cessé d'empirer au fil des années. Aujourd'hui, c'est un pays en plein chaos, dévasté par la guerre civile et ruiné par ses dirigeants successifs. Mais il attire encore des convoitises, parce que son sous-sol est toujours aussi riche. Enfin, passons. En 1977, première sérieuse alerte, les troupes katangaises envahissent le Chaba. C'est le début de la guerre des 80 jours, comme on l'a appelé plus tard. Ces troupes katangaises se trouvaient en Angola. Oui, ça permet au général Mobutu... Il n'est pas encore maréchal, là. Non, mais enfin, rassurez-vous, ça ne va pas tarder. En tout cas, ça lui permet de prétendre qu'il s'agit d'une agression extérieure. Mais en fait, ce sont vraiment des Katangais qui entrent au Chaba. D'anciens soldats de Tshombe ou des descendants de ces derniers qui ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière et qui ont créé un mouvement de libération, le FNLC. Le Front National de Libération du Congo, c'est ça. Un mouvement dirigé par un ancien commissaire de police de Kolwezi, Nathanael Bumba, et qui recrute essentiellement dans les tribus Lundas, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire du Chaba. Ouais, donc ces gens, après tout, ces gens-là reviennent chez eux en quelque sorte. À peu près ça. Enfin, il est vrai qu'ils ont été matériellement aidés et équipés par les Cubains qui se trouvent en Angola. Les Cubains et bien sûr les Soviétiques. Ouais. Et cette action militaire est d'envergure ? Oui, suffisamment en tout cas pour inquiéter Mobutu qui s'avère incapable d'y faire face tout seul. Le pays est déjà en pleine déliquescence et l'armée zaïroise fréquente plus souvent les bars que les champs de manœuvre. Ouais. Mobutu demande donc l'aide de l'étranger. Naturellement. Ouais. Et à qui s'adresse-t-il ? En priorité à la France. À la France. Et pourquoi pas la Belgique, l'ancienne puissance coloniale ? Parce que l'attitude des Belges en 1977, comme plus tard en 1978, n'est pas très claire dans cette affaire. Expliquez. Nos voisins belges ont encore d'énormes intérêts au Chaba. Et à mon avis, les dirigeants de l'ancienne union minière, qui s'appelle désormais Gécamines, n'ont pas renoncé à l'idée d'un Chaba indépendant. Une indépendance qui leur permettrait d'avoir la haute main sur l'exploitation de toutes les richesses de cette province. Oui, mais vous m'avez bien dit que les Soviétiques et les Cubains se trouvaient derrière cette invasion. Exactement, oui. Alors je doute qu'en cas de victoire, les Katangais respectaient les intérêts de ces capitalistes. C'est vrai, mais peut-être que ces financiers pensaient qu'il leur serait possible de trouver des aménagements avec ces nouveaux dirigeants. Et puis ça ne pouvait pas être pire qu'avec le régime corrompu de Mobutu qui pressurait le pays et toutes les sociétés qui y avaient des activités. Ouais. Sans compter que le chef d'État zaïrois avait nationalisé quelques-unes de ces compagnies. Ouais. Enfin, c'était quand même prendre un sacré risque. Oui, c'est certain. Mais enfin, je vous assure qu'il existait déjà une réelle connivence entre les rebelles et ces puissances économiques. À tel point que nous sommes sérieusement demandé si l'invasion n'avait pas eu lieu à l'initiative des Belges. Voilà, là, vous allez peut-être un peu loin, quand même. Peut-être, mais on pouvait vraiment avoir des doutes. Bon, on revient un peu en arrière. Donc, Mobutu ne fait pas appel à la Belgique, mais à la France. Et pourquoi pas aux États-Unis, puisque c'est quand même la CIA qui l'a mis en selle. C'est vrai, mais c'est Jimmy Carter qui est alors président. Et il n'a nulle envie de venir au secours d'un chef d'État à la réputation sulfureuse. Et Carter se contentera de donner un appui discret à l'opération qui va être envisagée à l'initiative de la France. Parce qu'en France, le président Giscard d'Estaing, lui, n'a pas ce genre de scrupules. Enfin, il est certain qu'en 1977, le président de la République, qui connaît particulièrement bien l'Afrique, n'est pas très enthousiaste à l'idée d'un engagement militaire au Zaïre. Mais en même temps, il pense qu'on ne peut pas laisser tomber Mobutu. Alors, comment va-t-il s'en sortir ? Ses conseillers lui donnent une idée assez astucieuse. N'intervenons pas nous-mêmes, mais organisons une opération africaine. Afin de ne pas être accusé de néocolonialisme. Oui, c'est ainsi que Giscard d'Estaing réussit à convaincre Hassan II d'envoyer des troupes au Chaba. Des troupes convoyées par des avions français. Oh, mais ça veut dire que la France est quand même complètement engagée. D'accord, mais enfin, on préserve les apparences. J'ajoute, et peu de gens le sauront, que des hommes du service action ont préparé sur place l'intervention marocaine. Et justement, là, cette intervention, comment se passe-t-elle ? D'un strict point de vue militaire, les troupes marocaines sont très efficaces et triomphent assez facilement des rebelles katangais. Mais à l'évidence, cette facile victoire ne résout rien. Mais pourquoi ? Parce que les katangais qui se sont repliés en Angola recommenceront un jour ou l'autre, c'est certain. Mieux, les meilleurs spécialistes de l'Afrique pensent que les katangais ont effectué une sorte de répétition avant un retour encore plus musclé. Ce qui va effectivement se produire. Oui. Il aurait donc été logique que Mobutu prenne des mesures pour empêcher cette nouvelle invasion. Il en est bien incapable. Au contraire, il règle quelques comptes, se débarrasse de rivaux éventuels et affaiblit encore un peu plus son pays. Donc il faut veiller à sa place, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Dans les services, c'est ce que nous faisons. Ah, de quelle façon alors ? Nous surveillons étroitement les allées et venues des dirigeants du mouvement de libération du Katanga. Le FNLC, c'est oui, ça ? Oui, c'est ainsi qu'on apprend en mars 78, je crois, que le chef du FNLC doit se rendre en Algérie pour une très importante réunion. Pendant la guerre des 80 jours, et donc avant l'intervention marocaine, Le Monde consacre un éditorial à la situation dans l'ex-Congo belge. J'en extrais ces quelques lignes. Médiocrement soutenu par ses prétoriens, le général Mobutu doit faire face à l'apathie ou à l'hostilité de ses concitoyens. La corruption générale qui sévit dans la fonction publique, la fâcheuse réputation du chef de l'État lui-même, qui passe pour l'un des hommes politiques les plus fortunés du tiers-monde, menace gravement la pérennité du régime. Le cuivre représente les deux tiers des ressources du pays en devises étrangères et place le Zaïre au sixième rang des producteurs mondiaux de ce minerai. déjà mauvaise du fait des excès de l'endettement extérieur et par suite de l'accumulation des dépenses de prestige, la situation financière de l'État zaïrois serait catastrophique si les gendarmes katangais s'emparaient de Kolwezi. Dans certains milieux diplomatiques européens et africains, on parle même avec insistance d'un voyage à l'étranger du général Mobutu, au cours duquel il pourrait décider de se retirer dans l'une de ses luxueuses résidences de Belgique, de Suisse ou de France. Mais on sait que le dictateur n'en fera rien et qu'il faudra attendre les années 90 pour qu'il soit chassé de son pays. Cette importante réunion en Algérie, qu'est-ce que c'était ? Un véritable conseil de guerre qui a rassemblé Mbumba, chef du FNLC, des militaires cubains et un général soviétique, Borisov, un officier qui coordonnait l'action de tous les conseillers russes en Afrique. Et pourquoi cette réunion s'est tenue en Algérie ? Parce que les Algériens étaient alors très influents en Afrique et s'intéressaient eux aussi de très près aux luttes anti-impérialistes, comme on disait à l'époque. Et rappelez-vous que c'est en Algérie que Tshombe a été conduit par ses ravisseurs. Il y est d'ailleurs mort en prison dans des conditions, vous savez. Oui, qui pour vous était éminemment suspecte. Oui, je ne reviendrai pas là-dessus. Oui. Vous avez parlé de conseil de guerre. Évidemment, il était certain que cette réunion préludait à un nouveau coup de force au Chabat. Et c'est ce qui s'est produit à peine 2 mois plus tard, en mai. Que Paris répond tout de suite positivement à la demande d'intervention, d'abord formulée par l'ambassadeur de France, hein, c'est ça, puis par Mobutu. Non. Et pourquoi ? Mais pour les raisons que je vous ai expliquées avant. Giscard d'Estaing pense, enfin c'est à lui de prendre la décision en tant que chef des armées, lui n'a pas vraiment envie de devenir le gendarme de l'Afrique, surtout en intervenant militairement dans un pays qui n'appartient pas à la sphère française. Donc il préférait que ce soit les Belges qui agissent. À l'évidence. Notez-le bien, cette affaire va provoquer une véritable crise entre nos deux pays. Mais de l'autre côté, il y a des arguments politiques et des arguments humanitaires. Oui, les arguments humanitaires, c'est clair, il s'agit de venir en aide à une population menacée. Et littéralement prise en otage. Il faut agir vite, puisque la rumeur d'une intervention a filtré et que les rebelles katangais risquent de se venger sur les otages. Et les arguments politiques ? Il y a un coup à jouer. Un coup ? Exactement. En mars, les élections législatives ont été périlleuses. En France. D'accord, la majorité est restée la majorité. Mais à l'Élysée, on a eu peur. Et puis, il y a l'élection présidentielle qui se profile. Alors, il est clair que Valéry Giscard d'Estaing ne peut passer à côté d'une opération qui redorerait son prestige et son autorité. Oui, mais il y a de grands risques. Ah, vous avez raison. Oui. Si l'intervention militaire échoue, ou si elle provoque la mort de dizaines, de centaines de soldats français, elle se retournera contre son initiateur. Et le président de la République, qui est un homme intelligent, pèse soigneusement le pour et le contre. Il a longtemps hésité ? Non. Mais je vous assure, même si je n'étais pas à l'Élysée quelques heures après avoir donné son feu vert, le président a dû vivre quelques moments difficiles. Parce que, aussi incroyable que cela paraisse, Paris a été dans l'ignorance totale de ce qui se passait sur le terrain. Mais pour quelle raison ? Les émetteurs qui avaient embarqué les paras ont été soit détruits, soit perdus, et il a fallu attendre la nuit pour obtenir les premières informations. Mmh. D'accord, mais revenons à la prise de décision de Giscard d'Estaing. Il s'est décidé assez vite, quand même. Oui, c'est d'autant plus urgent qu'à Kolwezi même, la situation s'est tendue. Après le départ des cadres cubains, les Katangais distribuent des armes à la population africaine, et on va alors assister à de véritables chasses à l'homme dans les rues de la ville. Les pillards se mettent de la partie, massacres, viols, c'est épouvantable. Et les paras français, quand ils vont sauter sur Kolwezi le 19 mai, vont découvrir de véritables scènes d'horreur. Mmh. Militairement, est-ce qu'on peut dire que l'opération est un succès ? Incontestablement. 6 jours après la prise de Kolwezi, les paras du 2e régiment étranger de parachutistes sont largués au-dessus de la ville. Et en quelques heures, ils en prennent le contrôle. C'est un joli succès sur le plan technique et aussi sur le plan humanitaire, car ils sauvent ainsi de nombreuses vies. Mais si je me souviens bien, les paras belges vont aussi arriver. Oui, mais seulement le lendemain, alors que le gros du travail a été effectué par les Français. Ce qui, encore une fois, ne contribuera pas à améliorer le climat entre les deux gouvernements. D'autant que la mission confiée aux paras belges est sensiblement différente de celle qui est confiée aux militaires français. C'est-à-dire ? Les Belges ne doivent s'occuper que de l'évacuation des Européens. Mais ils ont pour instruction d'éviter le contact avec les rebelles. Les Français, au contraire, n'hésiteront pas à engager le combat avec les Katangais afin de libérer les otages. Ce même jour où les parabelges arrivent à leur tour à Kolwezi, le président Giscard d'Estaing a annoncé lui-même l'opération de Kolwezi à la nation. J'extrais ces quelques lignes de son allocution télévisée. Cette opération a été décidée lorsqu'il est apparu que les ressortissants étrangers de la ville de Kolwezi étaient en grave danger. Avant-hier soir et hier soir, nous avons eu dans la nuit des informations très préoccupante justement sur le sort de cette population et sur sa sécurité au sens le plus précis du terme, c'est-à-dire des pillages, des violences, des risques d'exécution et même des risques de prise d'otages. C'est une opération ponctuelle dans la ville de Kolwezi pour y rétablir le plus rapidement possible la sécurité et permettre la protection des ressortissants étrangers qui s'y trouvent. Nous risquions, dans les quelques heures qui séparent l'annonce de l'opération de sa réalisation, des exécutions sommaires ou des prises d'otages de civils. Il était donc nécessaire que cette opération soit secrète le plus longtemps possible. Quand nous en avons décidé les modalités hier matin avec l'ensemble des ministres concernés et les autorités militaires, nous souhaitions l'annoncer quand les éléments arriveraient sur le terrain, afin qu'il n'y ait pas de délai dangereux. L'évacuation se termine quand ? Dès le 21 mai, tout est fini. Combien de morts ? 5 chez les militaires français et plus de 300 chez les Katangais. Le président Giscard d'Estaing peut donc être satisfait. Globalement, oui. Même si l'opposition de gauche dénonce une intervention militaire effectuée sans que le Parlement ait été consulté ou informé. Et surtout un acte de guerre commis dans un pays auquel ne nous lie aucun accord de coopération. Les paras vont rester combien de temps À cause justement des réactions hostiles de l'opposition, Giscard d'Estaing souhaite rapatrier les militaires français au plus vite. Et pourtant là-bas, même si les rebelles katangais ont été neutralisés ou chassés, la situation n'est pas pour autant redevenue claire. Pour quelle raison ? Après les Katangais, ce sont les soldats des forces armées zaïroises qui pillent la ville. D'ailleurs, certains ont rejoint les rebelles avant l'intervention française et ont participé au pillage et au massacre. Mais Giscard d'Estaing ne veut pas prendre de nouveaux risques et il ordonne immédiatement le retour des bérets verts. C'est ça, il faut en finir plus vite, c'est ça. Oui, mais comme si les autorités françaises avaient été effrayées par leur propre audace, mais passons. Alors, voyons maintenant les choses du côté des agresseurs. C'est un échec total pour eux, non ? Sur le plan militaire, oui. Sur le plan de la propagande, pas forcément. Ah bon ? Non, une nouvelle fois, pour eux, l'Occident a montré son vrai visage, celui de l'impérialisme. Il y a toujours une autre manière de présenter les choses. Et puis les Soviétiques gardaient des bases solides en Afrique, en Angola bien sûr, mais aussi au Congo-Brazzaville et en Éthiopie. À cette époque, nos services ont calculé que l'URSS avait donné pour 4 milliards de francs d'armes en Afrique. C'est énorme. Mmh. Bon, cet objectif secret, là, il est peut-être temps d'en parler maintenant. Allons-y. C'est une histoire très curieuse et passablement mystérieuse. Au milieu des années 75, Mobutu loue pour un quart de siècle un morceau de territoire zaïrois, grand comme le quart de la France. Un territoire situé dans le nord du Chaba. Mmh. Et à qui cette location ? À une société allemande. Allemande de l'Ouest ? De l'Ouest, bien sûr. Et que fait cette société ? Elle construit des fusées. Des fusées, des armes ? Officiellement, non. Mais une fusée peut aisément devenir un missile balistique. Or, à la tête de cette société, l'OTRAG, on trouve un intéressant personnage, le docteur Kurt Debus. Qui est-ce ? C'est l'ancien directeur des essais de la base de Peenemünde. La base de lancement des V2 sous Hitler, c'est ça ? Oui. Ouais. Debus a d'ailleurs fait partie de l'état-major du Führer. Ouais. Et donc, ce Debus veut se servir du Zaïre comme pas de tir pour ses fusées ? Exactement. Il faut savoir, enfin je crois que nous en avons déjà parlé, que depuis la guerre, les Allemands n'ont pas le droit de fabriquer des fusées et encore moins des armes nucléaires. Ouais. Mais là, au cœur de l'Afrique, dans un endroit secret, quasiment inviolable, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec l'aval des autorités allemandes ? Ça, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que l'OTRAG disposait de fonds considérables et que la société ouest-allemande a investi des sommes colossales au Chaba. Est-ce que ces fusées ont effectivement vu le jour ? Quelques-unes, oui. Elle faisait appel à une technologie très particulière. Pas d'étages, mais des faisceaux de moteurs reliés les uns aux autres. Certaines ont été lancées avec succès. D'autres ont échoué. Mais dans le monde moderne, où le ciel est sillonné de satellites, le secret n'a pu être préservé très longtemps. Et les services secrets des principaux pays ont essayé de percer le mystère de l'OTRAG. Et à votre avis, c'était le véritable objectif poursuivi par les Katangais ? Assurément. Leur commanditaire soviétique voulait en priorité atteindre les installations et le pas de tir. C'est la raison principale de la prise de Kolwezi. Kolwezi n'étant qu'une étape dans la progression vers le nord du Chaba. Que sont devenues cette base et la société OTRAG ? Après cette affaire, les grandes puissances ont fait fermement comprendre à Mobutu qu'il n'était peut-être pas opportun de continuer à permettre à cette société de construire des fusées. Et l'OTRAG a déménagé. Bah sur ce point, au moins, les soviétiques n'ont donc pas tout à fait échoué. C'est vrai. Et à mon avis, ils vont sans doute récupérer plus pacifiquement les secrets de la société ouest-allemande. Et comment ? L'OTRAG s'est ensuite installé en Libye, chez Kadhafi. Kadhafi qui n'avait rien à cacher à l'URSS. Enfin, une partie du mystère demeure. À qui étaient réellement destinées ces fusées ? Et à quoi devaient-elles servir ? Eulogue Boissonnade, dans le livre que j'ai déjà cité, Le Mal Zaïrois, évoque les activités de l'OTRAG. Et lui aussi pense que l'offensive des Katangais au Chaba n'est sans doute pas étrangère à l'existence dans le nord du Chabat de ce pas de tir de fusée. De mon côté, j'ai cherché d'autres renseignements sur le Trag. Voici ce que j'ai trouvé sur le web. En décembre 1975, le Trag passa un contrat avec les autorités zaïroises pour établir un centre de lancement dans le nord du Chabat. Trois véhicules d'essai furent lancés. Lors des deux premiers, réalisés en mai 77 et mai 78, des fusées de 6 mètres de haut, équipées chacune de 4 moteurs, montèrent respectivement à 20 et 30 km. Mais en juin 1978, une fusée de 12 mètres à 4 modules s'écrasa au sol après quelques secondes de vol. En avril 1979, suite aux pressions politiques exercées par l'URSS, le gouvernement zaïrois mit fin au contrat passé avec le Trag. La société installa alors son centre de lancement en Libye, à 600 km au sud de Tripoli. Des tirs d'essai y ont apparemment été réalisés en 1981, mais le programme inquiéta cette fois les USA, qui finalement obligèrent le Trag à quitter le pays. Un dernier lancement eut lieu à Kiruna en 1983. Le Trag arrêta ses activités en 1987. À samedi prochain, je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.